après 60 ans, 60 ans après les indépendances, et puis de quelle éducation parle-t-on? On peut noter que sur le plan de la symbolique, il y avait aussi la présence de cette grande artiste américaine, Rihanna, aux côtés, bien sûr, des chefs d'État présents. Et bien sûr, donc, vous comprenez toute l'importance de cette émission. On s'interroge avec vous. Vous avez très souvent demandé une émission sur l'éducation. Le plat est servi, dégustons ensemble. Mais pour mieux se comprendre sur ce plateau, nous avons invité un de nos plus fidèles consultants, celui qu'on ne présente plus, bien sûr. C'est le président Bandakani qui est avec nous ce mardi. Président, bonsoir. Bienvenue à Appel sur le continent, l'émission des téléspectateurs. Bonsoir, mon cher Bachir. Tu connais le plaisir qui est le mien chaque fois que je suis à tes côtés. Parce que tu es brillant, tu es bon et tu es sérieux. Sans flavonnerie. Et puisque les téléspectateurs m'ont autorisé Oui. d'entrer dans leur chasse gardée, et maintenant je ne veux plus demander. Oui. Donc je les salue, la communauté des appelants. Oui. La communauté des téléspectateurs, très nombreux d'ailleurs. sans qui Afrique Média n'existe pas. Et nous, je permets-moi de saluer tous les techniciens, tous ceux qui se battent premier lien pour que, au niveau de la technique, nous soyons, comme on dit, up to date. Permettez-moi aussi de remercier en passant tous ceux qui jusqu'à présent m'ont apporté chaleur, réconfort, soutien, n'est-ce pas, dans le monde entier. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Je voudrais qu'ils reçoivent à partir de ce plateau qu'on m'avait prêté. N'est-ce pas, toute ma reconnaissance. Merci d'être là, président Bandakani. Et bien sûr, vous l'avez compris, nous parlons de l'éducation financée de l'extérieur, en tout cas en grande partie. Et on sait que c'est très important pour les Africains de former les futurs leaders, les futurs cadres. Et comment va se faire cette formation? Est-ce qu'elle doit toujours reposer sur le financement extérieur? Nous nous interrogeons. Eh bien, plantons le décor avec cet élément que nous a préparé Yona Laurentine Aimé, notre stagiaire. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, les pays africains seraient visiblement incapables de financer l'éducation de leurs propres enfants. Nous avons pour preuve la visite du président français à Dakar au sommet du Partenariat mondial pour l'éducation. Emmanuel Macron, à cette occasion accompagné de la chanteuse américaine Rihanna, a décidé de montrer l'exemple en annonçant la hausse de l'engagement français dans ce programme à 200 millions d'euros contre 17 millions pour la période de 2014 à 2017. Paris devient ainsi le quatrième donateur en faveur de ce programme. Derrière, le Royaume-Uni avec 417 millions. L'Union européenne, 400 millions et 260 millions pour la Norvège. Le constat est donc clair, les pays africains ne vivent que des dons. Mais jusqu'à quand va durer cette humiliation qui va grandissant? De quelle éducation parle-t-on? À qui profitera cette éducation? L'avenir nous le dira. Merci donc à Aimé Laurentine Yona et Raoul Wafotekam qui nous ont préparé cette belle analyse. Président Bandakani, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on a envie de dire quand on constate quand même qu'il y a un sommet comme celui-là qui s'est fixé sur l'éducation, notamment l'éducation en Afrique? Permettez-moi de. Vraiment, nous allons dire la vérité aux Africains, comme dans notre tradition. Premièrement, il faut dire deux choses. La première chose, c'est que, ce n'est pas hors sujet, mais c'est lié au sujet, vous allez comprendre. Le sommet. N'est-ce pas, ce fameux sommet dont on parle, suit une tournée, c'est la tournée de M. Macron, Oui, qui a puisqu'il était commencé. en Tunisie au départ. On est obligé de l'appeler monsieur, on n'a pas. Bon, il est président de ce fameux pays-là. Oui. Donc, il est parti de Tunisie pour arriver à Dakar. Oui. Et en Tunisie, les enjeux de sa visite étaient clairs. Parce que tout le bruit là, ce bruit de sorcier qui est fait sur l'éducation, on y reviendra, veut masquer un terrible échec. Et je voudrais rappeler ça aux Africains, pour qu'ils tirent les leçons. Et qu'on arrête de nous faire manipuler comme les enfants. Parce que, comme dit les Gaou, nos amis les Gaou, si tu. Le premier Gaou, c'est. Comment dire? On dit premier Gaou n'est pas N'est Gaou. pas Gaou. Oui. Le deuxième Gaou est Niata. Oui. Donc ça veut dire qu'un deuxième Gaou est impardonnable. Oui. Alors, M. Macron est allé là-bas pour sauver le printemps arabe en Tunisie. Il a dit qu'il ne faut pas que le modèle tunisien échoue. Oui. Mais ça a déjà échoué. Le printemps arabe qu'on a vendu aux Africains, manipulé depuis les États-Unis, la France, l'Angleterre, pour la colonisation du continent africain, Bachir, ça a débouché à quoi? En Égypte, une partie des frères musulmans, qui étaient les instruments de la CIA américaine, je dis bien une partie, qui étaient les instruments de la CIA américaine, qui ont pris le pouvoir par M. Morsi, ont fait ce que l'Égypte, au lieu d'avancer, stagne. Et c'est un maréchal qui est au pouvoir, Al-Sisi. Donc rien n'a changé, Bachir. Aussi Moubarak est parti, Al-Sisi est revenu, l'armée est au pouvoir. Mais entre-temps, combien de morts, Bachir? Combien de morts? Là, c'est en Égypte. En Égypte. Oui. Combien de désillusions? Et les qui s'enrichissent, les mêmes classes sociales, n'est-ce pas, sont en train de s'enrichir. Vous prenez la Tunisie. Alors là, c'est le grave, l'enfant chéri qu'on veut sauver. On a dit que Ben Ali, c'était le mal. Ben Ali était le démon total. Aujourd'hui, les Tunisiens commencent à pleurer Ben Ali. Ils disent que oui, il y avait la sévérité au pouvoir, mais on avait du travail. On mangeait à notre faim et il y avait une croissance continue. Depuis qu'on a apporté cette démocratie du printemps arabe en Tunisie, la misère a cessé d'augmenter, Bachir. 30% de chômeurs qualifiés. 30% de chômeurs qualifiés en Tunisie, Bachir. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Les gens qui ont manipulé les populations, aujourd'hui, cette classe sociale, c'est-à-dire, en fait, le pouvoir s'est réparti entre les élites, soi-disant, du parti islamique et des anciens barons du régime Ben Ali, reconvertis en démocrates, se sont unis et s'enrichissent. Pendant que la misère du peuple, il faut s'aggraver. C'est ce qui a conduit aux révoltes sociales qu'il y a eu en Tunisie, qui a fait balayer ce régime. Et M. Macron, héritier, n'est-ce pas, de Nicolas Sarkozy et d'autres pyromanes terroristes, n'est-ce pas, court en Tunisie pour dire que non, il faut sauver ça en donnant de l'aide. Je reviendrai sur l'aide tout à l'heure, la question de l'éducation. Qui aide l'autre? Ben, il faut à tout prix sauver ça. On a vu le printemps arabe en Libye, Bachir. Kadhafi est tombé, qu'est-ce qu'on voit? Catastrophe totale. Et les mêmes gens aujourd'hui qui ont imposé à Kadhafi des accords pour, n'est-ce pas, gérer la migration, aujourd'hui, viennent nous dire, par la voix de M. Macron, ce type sans conscience, il vient nous dire, non, je vous en prie, M. Bachir, nous sommes très sérieux là. Nous sommes en guerre. Il vient nous dire que non, vraiment, parmi les passeurs, il n'y a aucun blanc. Vous écoutez ça? Alors que tout ça est organisé par l'Union européenne et la France. Tout ça est organisé par eux. Donc, voilà la Libye. Et la Libye, ça aboutit à quoi, Bachir? Au Mali. Le Mali divisé. Le Mali martyrisé. Le Mali souffrant. Le Mali rabaissé. Le Mali abaissé, recolonisé, Bachir. Et aujourd'hui, ça aboutit à quoi? Vous entendez une affaire du G5 Sahel, où le pyromane en chef veut jouer le sapeur-pompier, c'est-à-dire la France. Donc, il faut que les Africains tirent les conséquences. Donc, cette tournée-là qui vise à nous vendre une démocratie de vampires et de sorciers, que les Africains tirent les conséquences et fassent le bilan du printemps arabe, afin que leurs yeux se dessillent. Donc, deuxième, quand j'ai dit ça maintenant, je reviens sur l'autre enjeu, sur la symbolique, avant d'entrer dans la question de l'éducation, définir les enjeux de l'éducation en Afrique actuellement. Bachir, quand on vous dit que la France donne 200 euros, 200 millions. 200 millions d'euros. Oui. Sur 3 ans. Elle prend l'argent là-haut. Où est-ce que Paris prend cet argent? En France, certainement. Les chômeurs en France gonflent matin, midi, soir. La France est le pays où, depuis bientôt 20 ans, la pauvreté s'aggrave d'année en année. Je dis bien d'année en année. Donc, la France laisse sa population dans la misère, Bachir, dans la pauvreté, et vient aider les peuples. Mais vous pensez à ça? C'est l'argent des Africains. Ce sont les plus-values liées à notre franc CFA que M. Macron ramasse pour aller jouer, je ne sais pas quoi, aux philanthropes d'un autre genre, Bachir. C'est notre argent. Ne me parlez pas d'aide, vous allez m'énerver. Mais il s'agit bien sûr... Non. Il s'agit d'une aide, c'est ce qui est dit dans ce partenariat mondial. Vous n'êtes pas obligé de répéter les mots de M. Macron. Ouais. Parce qu'il n'est pas digne que vous répétiez ces mots. Il n'est pas digne. J'ai fait l'effort d'être très poli ici parce que votre média m'oblige ça. Donc, M. Macron n'est pas digne que vous répétiez ces mots. Parce qu'il n'a rien à vous apprendre. La France prend l'argent où? Pour financer l'aide. La France est un pays qui est en déficit. Depuis même combien d'années? 150% de son produit au terrain brut. Elle prête de l'argent sur les marchés financiers pour financer son fonctionnement. Monsieur Bachir, ça aurait été un pays africain il y a longtemps que la France serait sur plan d'ajustement structurel. Je l'ai déjà démontré ici sur le plateau, je ne reviens pas dessus. Où est-ce qu'elle prend l'argent pour nous financer l'éducation? C'est notre argent. C'est comme le FMI. Les banquiers internationaux ne prêtent pas l'argent à l'Afrique. C'est l'Afrique qui a enrichi toutes les banques occidentales. Mais en même temps, président Bandakani, depuis 600 ans, c'est nous qui les avons enrichis, Bachir. Mais pourquoi ces pays africains attendent-ils toujours qu'ils... Les pays africains n'attendent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dédouaner personne. Restons sur le plan objectif, Bachir. Oui. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Prenez les pays européens que vous qualifiez de pays développés. Un monsieur comme Trump dit qu'ils sont des pays civilisés. Ils n'ont même pas honte. Les sauvages sont des civilisés, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous m'expliquez? Dans les pays développés, prenez un pays comme les États-Unis, Bachir. On vous dit que c'est un pays développé. Vous connaissez le nombre de citoyens américains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté? Vous les connaissez? Ils sont près de 100 millions. Comment est-ce que vous pouvez être le pays le plus riche du monde? Vous ne connaissez pas partager, Bachir. Vous êtes très, c'est la pauvreté, c'est même ça. Parce que quand vous êtes trop riche, en Afrique, quand vous avez un peu d'argent, vous êtes obligé de partager. Oui. Je pense qu'un homme a suffisamment. La moindre chose qu'il doit faire, c'est de partager. Mais les Américains ont tellement d'argent, ils ne savent pas quoi en faire, c'est milliardaire. Ils spéculent, ils ont des surplus financiers, ils ne savent pas quoi en faire. Ils blanchissent dans les casinos, ils jouent au casino et tout et tout. Pendant ce temps, les Américains meurent de famine, de drogue, d'intoxication, de maladies extrêmement graves, Bachir. Ils sont près de 100 millions. Voilà le pays développé qu'on est en train de prendre. Alors, si c'est vrai pour l'Amérique, ne parlons pas de la France, de l'Angleterre et consort. Si vous mettez de côté les pays du Nord en Europe, parce qu'il faut être honnête, les pays scandinaves, les pays d'Europe du Nord font un effort pour essayer de socialiser leur capitalisme en partageant beaucoup, en essayant d'introduire un partage, parlons comme ça, équitable, entre le capital et le travail. C'est ce qui fait la spécificité des pays d'Europe du Nord. Les pays du Nord, les pays de la Norvège, tout ça, Scandinavie, tout ça et consorts. Or, mais ces pays-là, ce qui est vrai pour les États-Unis est vrai pour tous les pays européens. C'est-à-dire une concentration extrême des revenus, et une extrême croissance de la pauvreté. Et de l'extrême pauvreté, Bachir. C'est-à-dire que vous avez des gens qui préfèrent se pendre. C'est-à-dire qui inventent des formes modernes, des formes raffinées de suicide. Dans la drogue, tous ces paradis psychologiques, n'est-ce pas, qu'on fabrique pour calmer les gens. Jusqu'à là. Vous connaissez un pays comme la France, comment les gens n'ont pas de maison? De centre de domicile s'en prendre. Vous imaginez, il y a des gens qui ont pour maison leur voiture. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Je ne parle pas des centres qui se trouvent dans la rue. La Fondation l'a vu, Pierre. Mais comment donc comprendre, président Bandakani, qu'il y ait autant de pauvreté, autant de souffrance dans ces pays-là et que l'Afrique attend de l'aide? L'Afrique n'attend pas de l'aide. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Puisque ce que je veux démonter, c'est Bachir. Je voudrais ici ressortir le fait que cela est cautionné, puisque nos dirigeants acceptent et ils font même des discours pour dire « Ok, nous aussi, on va quand même donner cette maigre somme qui sera accompagnée à ce que vous donnez. » Sans dédouaner les dirigeants, parce qu'ils doivent prendre leur responsabilité, il y a quand même un carcan qui dure depuis 600 ans, Bachir. Depuis 600 ans qui s'est passé, l'esclavage, la colonisation, la globalisation, on fait quoi? On consolide et structure des systèmes financiers qui durent depuis 600 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les circuits de circulation monétaire, tous les circuits économiques, tous les circuits de production de la richesse sont entre les mains de qui? Sont entre les mains de ces gens. Ça veut dire que je suis en train de vous démontrer que l'esclavage n'a jamais cessé. Elle prend d'autres formes. C'est de cela qu'il s'agit. C'est comme si vous êtes en train de me demander que bon, ok, tuons tous les Africains parce qu'ils ont perdu la guerre contre l'esclavage. Non, les Africains ont résisté. Beaucoup de résistants. D'ailleurs, l'événement majeur de l'esclavage, c'est la résistance des Africains. Donc, c'est parce qu'on a perdu une guerre qu'on est tous en maudit. Donc, cette structure objective de l'organisation mondiale, c'est-à-dire la structure objective du capitalisme, ne donne pas le choix à nos dirigeants pour l'instant. Donc, il faut maintenant que c'est la nouvelle génération que nous sommes, avec ce monde objectivement ouvert, qui devons développer des mécanismes, comme on est en train de faire Afrique Média, pour briser ça. Et maintenant, renverser le rapport de force. Pour maintenant établir un nouveau rapport avec l'Occident. Ça va se faire, Bachir. À tous les prix, hein, ça va se faire. Donc, l'enjeu est là. Donc, quand il vient avec le discours pour dire que le président a besoin d'argent, l'homme d'État dans les conditions-là, a besoin d'argent. Il n'a pas le temps de rêver. Hein. Nous, ici, on peut rêver. Si vous avez l'État en main, Bachir, vous avez le défi de payer les militaires chaque mois. Vous faites 2 mois sans payer les militaires, ils vous renversent. Oui. L'homme d'État a des soucis très précis. Or, les guichets internationaux, pour que vous ayez accès à l'argent, on vous dit, acceptez le discours de l'humiliation. Acceptez le discours comme vous êtes. Acceptez la manière dont nous présentons l'argent que nous vous donnons. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je dénonce, je suis là ce soir pour dénoncer, un, il n'y a aucune aide pour l'éducation, Bachir. Deux, c'est notre argent que la France prend pour aller donner là-bas. Trois, je reviendrai sur le symbole Rihanna, qui est la négation totale de tout projet éducatif qu'on peut avoir en Afrique. On va en parler. Alors, sur le fait que les discussions ont aussi beaucoup porté sur l'éducation de la jeune fille. Bachir, précisons les notions. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez grand artiste? Et le grand artiste, elle chante quoi? Alors, nous n'allons pas faire un cours de musique. Nous n'allons pas faire un cours d'anthropologie musicale. Pour comprendre la valeur de la musique, de cette ordure que vous appelez Rihanna. Donc, elle est grande musicienne selon les canons que des majors, dépendant de Hollywood, impose au monde et en général aux Africains pour les abrutir. Et vous pouvez appeler Rihanna la grande musicienne, elle chante quoi? Vous pouvez classer Rihanna parmi les grands musiciens de ce monde, elle chante quoi? Elle chante quoi? Faire la pornographie dans les clips, c'est ça, elle était grande artiste. Rihanna a fait la musique satanique. Je mesure mes mots. La musique satanique. La musique satanique. Ouais. Je précise bien mes mots. Ouais. Et vous avez bien fait de dire qu'est-ce qu'elle est venue faire là. Et je voudrais saluer l'action des chefs religieux au Sénégal, Bachéi. Qu'ont-ils fait? Ils ont dénoncé la présence de cette fille. C'est vrai qu'on parlait de Rihanna qui a vécu du chaud et du froid au Sénégal. Non, les chefs religieux, on l'a couvert. Oui. Comme quand M. Macron passe partout, lui qui est le champion de la démocratie, il couvre tous les médias. Il a des méthodes terribles. Je vous ai dit que ce monsieur est dangereux, que ça continue. Vous apprendrez à le connaître. Alors, qu'ont fait les imams? Voilà. Les imams ont dénoncé la présence de Rihanna. Ils l'ont traité de prostituée. Je prends le mot. De prostituée et de dégénérer. Quelqu'un qu'on ne peut pas présenter pour modèle à la jeunesse. Les imams. Et moi, je leur apporte tout mon soutien. Mais pourquoi cet aspect de la chose n'a pas été mis en avant? Mais posez-vous la question. Parce que M. Macron, partout, il passe, il exerce un contrôle sur les médias. Vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso? Est-ce qu'on vous a dit qu'on a caillassé son convoi au Burkina Faso? On a caché les images. Est-ce qu'on vous a montré les nombreux Burkinabés qui ont dit non à la venue de ce monsieur qui, partout, il passe, répand le mal? Est-ce qu'on vous a montré ça? Parce que les médias sont sous contrôle, c'est ce qu'il faut dire. Ça aurait été un président africain, ça aurait été la fin du monde. Partout, M. Macron passe, il y a le blackout des médias. Donc, personne n'a médiatisé l'action des imams, qui est une action loi. Et moi, je les apporte tout mon soutien, Bachir. On est quand même surpris de voir que le président Macky Sall, dont j'ai salué la mesure qui a consisté, les deux mesures, il a convoqué l'ambassadeur américain, oui. Ça a beau être du folklore pour certains, mais j'ai salué cela, et j'ai salué la mesure qu'il a prise en interdisant cette fameuse réunion des francs-maçons. Oui. Mais comment peut-on interdire la réunion des francs-maçons et recevoir le chef des francs-maçons? Qui est M. Macron et en plus la mère des Illuminati, Rihanna. Peut-être de la diplomatie. Quelle riche? Diplomatie? Ouais. Mais non, les imams ont dit non. Voilà déjà des comportements. Alors, quand on va parler, on va dire non, le président est contre le Sénégal. Non, j'aime les Sénégalais. Ouais. Je dois beaucoup à ce peuple qui m'a donné, Cheikh Anta Diop, ouais. qui m'a donné Senghor. Ouais. Je suis contre le Senghor politique, ouais. mais le poète, je respecte. Ouais. C'est clair. Mm-hmm. Et le Sénégal a donné beaucoup de choses à l'Afrique. Mais ce que la France veut faire du Sénégal, les panafricanistes ne peuvent pas accepter ça. Parce qu'on connaît l'histoire de ce pays, on connaît l'histoire de l'Afrique. Vouloir faire du Sénégal la capitale de l'impérialisme français, c'est contraire à Cheikh Anta Diop. C'est contraire au projet de tous les grands savants sénégalais. C'est contraire même à l'histoire du Sénégal. L'histoire du Sénégal n'a pas commencé avec la colonisation française, Bachir. Ça a commencé depuis très longtemps. On ne peut pas traiter un pays comme ça qui a goré sous son sol et on tolère que, n'est-ce pas, des petits présidents comme Macron viennent vouloir transformer du Sénégal la capitale de l'impérialisme français en plein 21e siècle. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire que symboliquement, il y a un échec ou quoi? Non, vous êtes gentil. Il y a un crime contre l'humanité africaine. Il y a un crime contre l'humanité africaine, Bachir. Comment peut-on parler de partenariat pour l'éducation mondiale, Bachir? Et là, maintenant, j'en ai le fond du sujet. Oui. Comment peut-on dire qu'on veut un partenariat mondial pour l'éducation de nos enfants? Et on prend Rihanna, on met devant. On fait de Rihanna la mascotte de ce projet. Rihanna qui est l'ordure des ordures. Rihanna qui est la honte de la femme. Attention, président. Non, faut pas m'interrompre. Je suis en train de dire la vérité. Oui. On n'est pas là pour s'amuser. Rihanna peut être le modèle de ma fille, de mon enfant. Alors, voilà aujourd'hui les Africains qui tardent encore à comprendre, savoir qui est M. Macron. Lorsqu'un président, soi-disant démocrate moderne, il est jeune, il a 40 ans, vous ramasse cette chose-là qu'on appelle Rihanna et en fait la mascotte d'un projet éducatif. Bachir, ça veut dire quoi? Je vais déchiffrer. Oui. Je vous ai parlé ici sur Afrique Média d'un programme qu'on appelait à l'époque 1980. C'est-à-dire? Ce programme voulait dire quoi? Oui. C'était un projet de certains satanistes internationaux, pour rester à ce niveau-là, les patrons de l'argent du monde, entre guillemets, ils ne sont pas patrons. Oui. Ils vont disparaître bientôt. Donc, ils se font présenter comme patrons. Tous ces gens qui ont construit le vol, le brigandage occidental depuis bientôt 700 ans et qui ont décidé la perte de l'espèce humaine pour conserver leur pouvoir, ils avaient un projet qui devait cumuler en 1980. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de transformer tous nos enfants. Mm-hmm. Même à partir du ventre de leur mère. Écoutez-moi bien, Africain. Il dit, même à partir du ventre de leur mère, d'en faire des robots, des objets au service du capital et de son projet satanique, à savoir la disparition de l'espèce humaine. Ce projet-là est tellement avancé aujourd'hui que voilà pourquoi on vous amène Rihanna, sans aucune honte, sans aucune froideur. Le président français ramasse une chose comme Rihanna, qui est la négation de l'éducation, la négation de la femme, et en fait la mascotte de ce projet. C'est ce qu'il s'agit. Tout à l'heure, vous parlez de l'éducation, Bachir. Vous disiez comment est-ce que l'argent peut venir de l'Occident et financer et que, l'éducation en Afrique. Où est l'indépendance éducative de l'Afrique? Vous avez raison, Bachir. Sauf que, parlons de l'éducation, le projet qui a derrière l'argent qu'on nous donne, Bachir. Alors, si on part du principe que l'Occident a réussi l'éducation, mais on n'a rien compris, on est mort, Bachir, c'est la mort. Il faut commencer par démontrer aux Africains que le système éducatif occidental a échoué. Deux systèmes éducatifs s'affrontent. L'Occident, c'est le savoir-faire qui prime sur le savoir-être en Occident. Je résume, je synthétise. Le savoir-faire, l'acquisition des connaissances techniques au niveau des métiers pour transformer la nature et développer la technologie de type occidental, je précise bien. Donc, en prime, vous aurez les plus grands ingénieurs, les gens qui vont créer des fusées et tout, tout ce que vous voulez. Bon, bien sûr qu'il y a beaucoup de mensonges dedans, mais ce n'est pas l'objet. Je demanderai un jour comment est-ce que les mathématiques qu'on nous présente, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Ce n'est pas l'objet de ce soir, Bachir. Mais je dis que, alors, cette éducation privilégie le savoir-faire. Au détriment du savoir-être. Et pourquoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, Bachir, à quoi ça sert de fabriquer des ingénieurs? Si une société met comme valeur, Bachir, la disparition de l'être humain, si une société élève l'animalité au-dessus de l'humanité. Parce que les projets sont avancés dans beaucoup de pays occidentaux, vous ne savez pas, où désormais l'homme peut se marier avec un animal. C'est très en Allemagne, ça. Le projet est très avancé. La France est sur le chemin. Aux États-Unis, c'est légalisé. L'inceste. Lorsque tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, Roger l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme. Le genre a disparu, M. Bachir. Où va le monde lorsque l'éducation culmine dans des projets comme la suppression de la parenté? Le lobby qui est aujourd'hui à l'ONU se bat pour qu'à 10 ans, un enfant ait le droit d'orienter sa sexualité, Bachir. Vous savez que M. Macron est en train de se battre en France pour que le droit de paternité sur l'enfant, qu'à partir de 13 ans, l'enfant soit reconnu adulte. M. Macron a ce projet en France aujourd'hui. Il travaille en France pour que ce projet soit validé au Parlement, Bachir. Donc nous ne blaguons pas, nous ne fantasmons pas. Donc les gens sont très avancés. Alors Bachir, vous appelez quoi éducation? Quand vous animalisez les gens, à quoi ça sert d'être ingénieur et qu'on soit un animal? À quoi ça sert d'être ingénieur ou grand savant quand vous homosexualisez toute une société, Bachir? Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce qu'en Occident, le savoir-faire prime le savoir-être. Or, en Afrique, la tradition africaine d'éducation, c'est marier le savoir-faire et le savoir-être avec une prime supérieure au savoir-être, Bachir. C'est très important parce que l'enjeu éducatif en Afrique est de faire à ce que la supériorité de l'espèce humaine soit maintenue sur les autres espèces. L'homme est le summum, est le point d'arrivée de la création. Les Africains sont des peuples qui croient en Dieu, c'est-à-dire à la création. Les Occidentaux, par leur science, ne croient pas à la création. Ils sont néo-darwinistes. Ils disent que l'homme, c'est un accident de l'évolution. Alors, nous on ne peut pas tolérer des choses comme ça. Parce que quand on dit que l'homme, c'est un accident, les conséquences sont terribles. On peut faire d'un continent le cobaye d'un autre continent. Puisque vous n'êtes pas des êtres humains, Bachir. Voilà l'enjeu qu'il y a derrière cette fanfaronnade de M. Macron, qui est un homme extrêmement dangereux pour le continent africain. Donc, quand on vient à Dakar, on vous dit qu'on vous donne 200 millions. On vous dit qu'on vous amène Rihanna, Bachir, comme symbole de ce projet. Mais que les Africains se révoltent. Vous devez vous révolter contre ça. Il ne faut pas accepter ça, Bachir. Moi, je suis un parent. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans nos lycées et collèges aujourd'hui? Oui, Bachir. Bon, non seulement je suis père d'enfants, mais j'ai adopté les enfants. Je n'aime pas en parler. J'ai les enfants. Toi, Bachir, tu le sais. Donc, Bachir, dans les lycées et collèges au Cameroun, on peut même pas le cas du Cameroun, les viols se multiplient. Les partouzes se multiplient. Les enfants, ça dit que l'homosexualité se répand. Les enfants font des infamies matin, midi, soir. Les professeurs vont avec leurs élèves. Ça dit que c'est très grave. Nos écoles au Cameroun, par exemple, si on prend le Cameroun, des écoles publiques et même privées, sont devenues des bordels au sens le plus sale du mot. Pratiquement, je ne dis pas que tout ça. Mais la montée et l'aggravation de ces phénomènes aujourd'hui font que il faut rapidement se lever. Pourquoi? Regardez, ça vient d'où? Cet esprit vient d'où, Bachir? Ça vient d'où? Mais c'est un programme. Et voilà pourquoi on vous amène Rihanna à Dakar, M. Bachir. C'est pour ça qu'on vous amène Rihanna à Dakar. Elle n'est pas seulement là comme ça, ce n'est pas un symbole. C'est une articulation juste spirituelle savamment organisée. Vous savez, Sarkozy avait ses défauts étaient dehors. Et on pouvait très vite voir et le maîtriser. M. Macron, ses défauts sont cachés. Moi, je sais qui il est. Dans le plan de l'esprit. Je connais qui est Macron. Et il vient de dévoiler qu'il est en venant dans ce sommet en Afrique avec Rihanna. Une ordure comme ça. Venez nous la présenter. C'est vrai que les mots sont assez durs. Oui, ça doit être dur. Nous devons, Bachir. Non, nous devons nous révolter. Non, nous devons nous révolter contre Moi, je suis un père de famille, bon sang. Ouais. Je veux éduquer mes enfants. Ça, parce qu'on nous a imposé un ordre communicationnel qui nous impose des histoires comme race, des programmes médiatiques pourris, n'est-ce pas, qu'on va accepter ça. Mm-hmm. Nous appelons à un nouvel ordre communicationnel à l'Afrique. C'est un projet qui est une articulation du capitalisme que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ouais. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Ouais. Ça, parce qu'on nous impose des structures qui nous produisent des stars de type Rihanna et les autres pour pomper nos enfants, les bouffer sur le plan géospirituel et en faire des zombies qui ne savent même plus qui ils sont, qui ne peuvent même pas se concentrer deux minutes, ma chérie, parce que, pourquoi, on les a vampirisés. C'est cela que M. Macron vient célébrer à Dakar. Très bien. Ce partenariat mondial, Bachir, je vais terminer. À vous. Oui. Ce partenariat mondial pour l'éducation, nous rejetons ça totalement. Et nous appelons les Africains à se révolter contre ça. Très bien. Tout à l'heure, je reviendrai sur un enjeu. Pourquoi Macron fuit l'Afrique centrale? D'accord, on y reviendra. Allons donc repasser la parole à nos téléspectateurs. À vous la parole. La guerre que nous avons, la guerre qui nous a été imposée, Bachir, à la sauvagerie française et occidentale en général, nous ne la perdrons pas. Nous ne la perdrons pas. C'est pour ça que M. Macron fuit l'Afrique centrale. Il tourne à nord, il va au nord, il revient au Sénégal, il repart en Afrique de l'Ouest, il revient en Afrique de l'Ouest, il tourne autour de l'Afrique centrale. Nous, on l'attend ici. Il viendra certainement. On l'attend. Il connaît la puissance qu'il y a ici, on l'attend. Je vous ai dit que je le connais dans le plan de l'esprit. Je ne veux pas dire plus. Parce qu'on met la géopolitique, je fais ce que j'appelle la géospiritualité. Oui, je le connais dans le plan de l'esprit. Nous avons vaincu Sarkozy, malgré ce qu'il a fait en Libye, il a fini dans la poubelle de l'histoire, et il est devenu un agent commercial. Vous voyez, un président, vous avez déjà vu un roi en Afrique, et il a fini, soit il meurt, s'il se retire, il se consacre à ce qu'on appelle les actions de patriarche. Vous avez été président de ce que vous appelez grand pays comme la France, et quand vous finissez le mandat, vous devenez agent commercial d'entreprise, c'est la déchéance totale. Nous battrons Macron. Ce projet-là qu'il a mené au Sénégal, avec cette tordue qu'on appelle Rihanna, ça ne marchera pas, Bachir. Nous allons détruire ça. Nous sommes debout en Afrique, Bachir. Donc je voudrais dire à mon ami Zefak, quand il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Africains comprennent, moi je ne me pose même pas ce genre de questions, Bachir. J'ai déjà dit sur vos plateaux que l'histoire a sa logique. Il y a des moments où l'histoire s'impose à les peuples. Les Africains n'auront pas le choix. Parce que le sens de l'histoire en ce début de siècle, 21e siècle, c'est que c'est l'Afrique qui doit conduire la destinée de l'humanité. Ce n'est pas un débat. C'est comme ça. Ce n'est pas les gens comme Macron qui vont empêcher ça. On va l'écraser. Nous allons les écraser tout le chemin. Je vous dis, nous sommes pas en train de nous amuser. Donc, pour rassurer mon ami Zepak, je voudrais lui dire que lorsque la Russie émerge, 1917, mon cher Zepak, rien, je répète, rien dans l'agencement des rapports internationaux à l'époque ne montre que la révolution viendra de la Chine, de la Russie. Sauf Lénine avait vu ça, et ses amis communistes de l'époque avaient vu ça. Je ne vais pas m'étendre dessus. Nous n'en sommes pas loin, mon cher Zéphar, c'est pour t'encourager. Je fais un gros bisou à ma sœur Laure, de l'Allemagne. Bravo, ma sœur. On a besoin de voix comme ça. Je salue mon ami Patrick Kouangin, Askia qui appelle les États-Unis, mon ami Tongapo dit que je suis d'accord avec eux, c'est toute la ligne. Je terminerai en disant ceci, Bachir. Qu'est-ce que l'éducation? Je vais résumer en un seul mot, du point de vue africain. L'éducation, je ne parlerai pas du contenu, c'est pour les histoires, pour embrouiller les gens. C'est l'articulation entre la maison, la famille, c'est-à-dire le mariage, un homme et une femme. Pas un homme et un homme. Ils s'embrouillent, ça ne passera pas ici en Afrique. Très bien. Ça ne passera pas en Afrique, je vous dis, ça ne passera pas. On poursuit. Oui, qui continue à mettre les pays en Afrique, ils perdent leur temps. Nous allons les convertir, ça ne passera pas. On ne va pas les tuer. Mais nous savons comment est-ce qu'on va les transformer. Ils perdent le temps. Donc, c'est l'articulation de la maison, c'est-à-dire le mariage, un homme et une femme, de la concession, du clan, du quartier, de la commune, de la région et de la nation, pour donner une âme, un esprit à un enfant, pour en faire un homme, Bachir. Pour faire un homme. L'Occident ne connaît pas ça. Ils ne connaîtront jamais ça. Ils vont mourir sur leur montagne d'or. Ils vont mourir sur leur fusée. Parce qu'ils ont vendu leur âme. Et ils ont légalisé les infamies dans leur société. Et ils seront détruits. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a les signes que le monde, Bachir, leur soi-disant éducation n'empêchera pas les catastrophes écologiques. Chaque année en France, le niveau des pluies monte. On fait semblant de ne pas voir. On transforme ça en spectacle pour dire que le niveau de la Seine est maintenu ici. Aux États-Unis, combien de catastrophes en 3 mois? Combien de gens sont morts? Même ce monsieur que vous appelez Macron là, ce type là, il a reconnu que le danger qui vient le nouveau, on dit qu'il y aura un type de personnes qu'on va voir dans l'avenir, les réfugiés du climat, les réfugiés climatiques. Mais il se trompe. S'il pense qu'avec le faux sommet, là, comme les affaires de Paris, là, cette bêtise-là qu'on appelle le Paris, que Trump a eu raison de quitter COP21 d'escroquerie, s'il pense qu'avec ça, ils vont limiter, ils mentent ça. L'Afrique ne subira pas ces dangers qu'ils ont fabriqués. Ça se retournera contre eux. Ouais. Dans les livres sacrés, Bachir, les livres sacrés, il est prévu comment les nations disparaissent lorsqu'ils élèvent les infamies, comme le mot sexualité, l'inceste, tout ça. Comment est-ce qu'ils finissent, Bachir? Il est démontré que la nature se retourne contre eux. Eh bien, les armes nucléaires ne feront rien lorsque sonnera le tocsin de la colère de la nature contre des gens qui ont vendu leur âme et qui ont fondé leur suivi sur la négation de l'humanité. Donc les ordures comme Rihanna, qui est rentrée chez eux aux États-Unis, l'Afrique n'a pas besoin de ce genre de saleté sur son continent. Merci, Président. Alors, c'est vrai qu'on va se quitter, mais il faut à votre suite rappeler que ceux qui ne seront pas balayés dans ce sens-là, c'est ceux qui vont nous retrouver à N'Djamena du 10 au 15 mars, c'est bien ça? Pour consolider la dynamique. Oui. Autour d'un monsieur, Président Déby, qui a compris. Qui a compris. Et qui a décidé de marcher avec l'histoire. L'histoire, c'est le panafricanisme. Nous disons nouveau panafricanisme, mais ce n'est pas nouveau. Oui. C'est la continuité. Le plus grand miracle de ces 600, 700 dernières années que l'humanité a connu, c'est que l'Afrique est debout. C'est-à-dire que le plus grand miracle, l'Afrique, c'est la résurrection. C'est-à-dire que l'Afrique a été debout malgré toutes les calamités qui sont abattues sur elle. Et tous les Africains sont conviés à ce rendez-vous. En N'Djamena, pour la consolidation du panafricanisme, autour d'un grand homme qui a visualisé, qui a compris et qui a décidé de prendre date, n'est-ce pas, dans l'histoire. Allez, vous allez sur l'adresse sommet.tchad@africmedia.tv et vous aurez toutes les informations. Beaucoup de personnes nous écrivent pour savoir comment y participer. C'est très simple. Allez tout simplement à cette adresse-là et vous retrouverez toutes les informations. sommet.tchad@africmedia.tv. On remercie tous ceux qui ont participé à cette autre édition d'Appel sur le continent. Président Mandakani, merci à vous. Nous remercions également toute la grande équipe qui a travaillé avec nous, Derek Gagné-Mazier, Bio Samuel, Adrien Ngwe et tous ceux qui ont travaillé à la rédaction. On se retrouve donc très très bientôt pour un autre programme. Bonsoir. La récréation est terminée.